Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission du podcast Toto. Luc Desormeaux au micro et ce soir nous sommes à la journée d'enregistrement, le 17 mars 2015. J'espère que vous allez bien. Ce soir avec moi, j'ai mes deux comparses. On va commencer par Martin Sagala. Salut Martin. Salut. Ça va? Oui, puis toi? Bien sûr et certain. Et on a aussi Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut. Donc ce soir, on a une émission assez chargée. On a été, pas là la semaine passée. Pris un petit congé, j'étais en Floride. Je vous parlerai un petit peu sur la prochaine émission. Je voulais en parler peut-être là, mais on a trop de sujets. Je vais laisser ça à la prochaine émission parce que de toute façon, c'est pas prêt de disparaître. Mais j'ai pu essayer le Test Track qui est à Epcot. C'est un, on peut dire un manège à sensations, entre guillemets, qui est créé par GM, où on roule sur une piste et tout ça. Puis c'est aussi une belle publicité pour GM sur place. Donc on en parlera à la prochaine émission. Je pense que c'est intéressant si vous avez l'intention d'aller faire un tour en Floride puis aller voir le très chérant Mickey Mouse. Vous allez pouvoir aller essayer ça. C'est très intéressant. Aujourd'hui, on a majoritairement deux sujets. Ça pourrait toujours déraper parce que vous nous connaissez. Je vais commencer par vous parler de mon essai de la Volkswagen Golf GTI 2015. J'ai réussi à conduire les deux versions. Donc la version avec la transmission automatique, ce qu'on appelle DSG, qui est à double embrayage à 6 rapports. Puis j'ai eu, pas tellement longtemps, j'ai mis la main sur la version manuelle à 6 rapports. Donc j'ai pu essayer les deux variantes. Ça, je vais vous parler de ça. Puis on va aussi parler de Elon Musk, peux-tu dire flamboyant PDG de Tesla? Ben, je sais pas, il est pas. C'est pas un gars qui est extrêmement. Il y a des déclarations. Des opinions. Assez coup de poing, la plupart du temps. Ouais, normalement, quand il dit quelque chose, c'est pas poser des niaiseries. C'est rare qu'il va te sortir une histoire c'est un gars ou quelque chose comme ça. Remarque que j'en connais une couple de personnes qui ont des déclarations tout aussi fracassantes, c'est juste que personne ne les connaît, fait qu'en général. Ouais, en général. Ça reste comme ça. Ça passe inaperçu. Donc, c'est ça, Elon Musk qui a fait des tweets, fait quelques déclarations, puis on va vous parler de ça en deuxième partie d'émission. Donc, si je commence avec la légendaire Volkswagen GTI, la Golf GTI, qui est une petite hatchback, ce qu'on appelle communément en anglais, là, c'est des hot hatch, là, c'est des voitures hatchback, donc à haillons de performance. Il n'y en a pas des milliers sur le marché canadien, québécois, pour pas dire slash québécois. En Europe, il y en a beaucoup plus. À peu près chaque constructeur en a une. Renault en a une, Peugeot en a une. Je pense même Citroën en a une. Puis après ça, on rajoute les Ford, Volkswagen et tout ça, qui vendent des modèles un peu comme ça. En Europe, au Canada, on n'en a pas une tonne. Il y a la Golf, il y a la Focus ST. On peut peut-être rajouter aussi les versions plus sportives de la Forte, peut-être la Forte 5, puis la l'Elantra GT, là, mais c'est pas... Semi-hatch. Ouais, c'est ça. Ben non, la Forte 5, c'est une hatchback. L'Elantra GT, c'est une hatchback aussi. Les vrais full hatchback? Oui, c'est un haillon, là. Mais c'est ça, mais c'est pas vraiment pareil là. Non, c'est pas la coupe typique d'un vieux Honda Civic ou d'un Honda, tu sais. Ouais, c'est ça. De hatch typique. Ouais, c'est ça. La GTI, c'est vraiment aussi la référence dans le domaine. C'est la voiture que tout le monde veut essayer de battre dans ce domaine-là. Ford fait un très bon travail avec la Focus ST pour se rapprocher de ça. À part de ça, c'est pas, y a pas vraiment grand chose. La GTI, comme je disais, c'est vraiment la référence. Bon, elle était déjà bonne en sixième génération. La Golf 2015, c'est totalement nouveau. C'est une nouvelle plateforme qu'on appelle MQB, qui va vraiment être en dessous de beaucoup de voitures du groupe Volkswagen. Si on parle même chez Audi, la plateforme MQB est utilisée. Si je me trompe pas, la Audi A3 est assis sur la plateforme MQB aussi. Le prochain Tiguan, si je me rappelle, c'est une plateforme qui est extrêmement versatile. On peut l'allonger, l'élargir un peu, puis asseoir à peu près n'importe quoi là-dessus. Ça apporte une baisse de poids assez significative, là, donc ça améliore beaucoup les choses pour la plupart des voitures. Donc, si on parle Volkswagen, bon, Martin et moi, vous avez déjà fait la chronique sur nos essais de la Beetle. Moi, j'avais eu une merveilleuse bleu poudre, puis Martin, c'était plus brun. Moi, convertible, lui, Coffee non. Brown. Coffee brown. Puis, Toffee. Toffee brown, ouais. Puis, on disait que, bon, la Volkswagen, la Beetle puis la GTI étaient quand même avaient rapport ensemble. Bon, c'est sûr, la Beetle, à ce que je Ah, tu viens sache. de l'expliquer chez Volkswagen, tout a rapport ensemble. Ouais, mais la Beetle est assise sur l'ancienne plateforme. Donc pas la MQB. La Beetle n'a pas été refaite encore. Donc elle n'a pas été retouchée avec les nouvelles plateformes. Puis j'ai vu une rumeur passer sur Internet comme quoi que Volkswagen pensait peut-être la retrucider une deuxième fois. Bon. Ben, OK. pour ce qu'elle a comme Fait que. valeur dans... Ouais, mais c'est parce que là, tu aurais Volkswagen avec plus de convertible. C'est À sûr, moins. mais encore là, si on la met sur une plateforme de polo, ça pourrait être valable. Ouais. Ou à... Ça ben. ferait une petite compétition à la Fiat. Ouais, peut-être. On pourrait la Ça rapetisser, ferait là. un Puis... Volkswagen plus économique à vendre ici. Ouais. Ou on fait une Golf. On revient avec une Golf convertible. Ce qui pourrait toujours être pas une méchante idée. Mais bon. Donc, c'est ça. Donc, même si tout le monde connaît la Beetle, c'est la Golf. Puis, quand je suis allé à Toronto pour la présentation là, de la GTI l'été passé, c'est clair pour Volkswagen. C'est le pain et le beurre, là. C'est ça l'image de la marque. Puis, c'est ça aussi qui se vend. Puis, qui amène de l'eau au moulin. Puis, qui amène de Ben, l'argent pour développer d'autres choses, c'est elle qui a remplacé le Beetle. là. Ouais. Au départ, c'est elle qui a changé le Beetle qui était 18 depuis longtemps. Oui, c'est ça. Puis après ça, par nostalgie, ben Hein. Volkswagen a rapporté la Beetle, a ramené la Sur Beetle, une là. Golf. Ouais, C'est un hommage plus que d'autres choses. sur une plateforme de golf, ouais, c'est ça. Donc, c'est ça, comme je disais, la Volkswagen sur la nouvelle plateforme MQB. Puis bon, c'est comme je disais, on a eu une perte de poids quand même significative. L'ancienne pesait 2 806 livres, puis avec la nouvelle plateforme, on est rendu à 2 610 livres. Donc, on a perdu presque 200 livres de poids sur la voiture. C'est 196 livres. Ça commence à avoir du sens pour une voiture de ce taille-là. Elle est un petit peu plus large, est un petit peu plus longue, puis est un petit peu plus basse aussi que le modèle précédent. Donc, ce qu'on appelle la Golf 6. Ça, c'est la Golf 7. Puis, fait que ça lui donne une meilleure tenue de route. Les phares qu'on a sur la GTI sont à haute densité, c'est des phares à décharge à haute densité ou communément appelés HID. Puis ils peuvent s'ajuster automatiquement selon le poids qui est à l'arrière de la voiture. Donc, tu sais, souvent si on rajoute du poids en arrière, on éclaire trop haut puis on aveugle à peu près tout le monde. La Golf va pouvoir descendre les phares, incliner les phares vers le bas pour qu'ils éclairent la route au lieu d'éclairer direct dans le visage de la personne qui s'en vient en voie au sens contraire. Puis, ils peuvent pivoter d'un côté ou de l'autre jusqu'à 13 degrés pour illuminer une courbe. Ça, c'est vraiment drôle parce que à chaque fois que je suis au volant d'une Golf puis qu'il fait noir, je m'en aperçois puis je trouve ça cool à chaque fois. C'est que si j'arrive sur une ligne droite puis je vais, mettons, arriver à une lumière puis je vais tourner à gauche pour aller sur une autre rue, ben les phares vont virer puis vont éclairer où est-ce que je m'en vais. C'est vraiment déstabilisant au début parce que tu te dis, hey, elle éclaire sur le côté. Tu sais, on n'est pas habitué. Les phares, normalement, ça éclaire toujours en avant. Mais elle est capable d'éclairer la courbe pour qu'on voit où ce qu'on s'en va quand on tourne dans une courbe. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis ça marche super bien. Puis il faut vraiment qu'il fasse noir pour qu'on s'en aperçoive. Par exemple, quand je pars le matin à 5 h l'hiver pour aller au gym, là, je m'en aperçois en masse. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ça fonctionne super bien. Frein à disque aux 4 roues. On n'a pas de tambour en arrière sur les Golf en général, mais pas plus sur la GTI. Rétroviseur chauffant à commande électrique, puis on a les clignotants inclus dedans. C'est style européen. Pas mal toutes les voitures européennes ont ça. Les Américains, c'est pas mal rendu standard aussi. La Golf, en général, est disponible avec des jantes de différentes tailles, là. La de base, c'est des jantes de 15 pouces. C'est pas hyper joli, là. Après ça, on a du 16, du 17, mais la GTI était disponible pour moi. Ma GTI avait des jantes de 18 pouces, puis on peut avoir du 19 aussi si on prend la version Autobahn de la GTI. Fait qu'une version un petit peu Ouais, plus haut de la gamme, version là. qu'ils doivent pas prêter aux essayeurs au Québec, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Ouais, c'est ça, normalement. Nous autres, c'est du 18 pouces. En arrière, ben, on a un échappement double de série qui a une sonorité, ma foi, quand même assez intéressante. À chaque fois que j'embarque dans GTI, j'ai toujours. Je sais pas, on dirait que j'oublie à chaque fois que je sors d'une GTI puis que je tombe dans d'autres choses, comment beau le son de la GTI est quand elle pousse un petit peu. Puis quand j'ai réussi à l'avoir une autre fois en version manuelle, il y a quelques semaines, quand je suis allé à l'événement de Kia pour le lancement du Sorento, j'avais justement la GTI. Puis le son qui sort de là est juste vraiment intéressant. Tu sais, c'est un petit 4 cylindres turbo compressé, mais la note qu'ils ont donnée à l'échappement est vraiment intéressante, mettons. C'est invitant. C'est invitant, puis on a. C'est un peu comme quand j'avais conduit la Focus ST, c'est que t'as un peu le don de vouloir mettre la rotation de moteur un petit peu élevée pour l'entendre puis le faire ronronner. Fait que des fois, t'es peut-être une vitesse trop bas ou tu Ou t'arranges pour qu'il l'écoute grogner. te chante sa chanson. Ce qu'il y a à part de ça, ah oui, ce qui est le fun dans la GTI, vous l'avez peut-être vu, mais c'est comme ça dans les Golf aussi, là. Si vous avez vu l'annonce pour la Golf à la télévision, c'est que la caméra de recul est cachée dans le logo de Volkswagen en arrière, puis ça sert aussi comme poignée pour ouvrir le coffre. Donc quand on enclenche le reculon, la caméra puis la poignée s'ouvrent vers le haut, puis là, la caméra de recul est cachée en arrière de ça. Ce qui est bien, c'est que la caméra de recul ne se salit pas. La plupart des caméras de recul, si vous pensez acheter une voiture avec une caméra de recul ou posséder une voiture avec une caméra de recul, c'est bon le matin avant de partir de passer votre pouce peut-être dessus pour enlever Non, Québec, l'hiver, c'est absurde. la Décide. cochonnerie qui se ramasse. Ouais. Ouais. C'est assez inutilisable après une petite tempête de neige Pendant. ou pendant. Ouais, ça se remplit puis on voit plus rien. Donc ça c'est bien, c'est caché. Elle est ouverte quand on roule, quand on recule, puis aussitôt qu'on enclenche pour rouler vers l'avant, ça prend quelques secondes, puis on entend le son, on l'entend vraiment dit, dit, on l'entend bouger. Fait que paniquez pas si vous mettez votre voiture pour avancer, puis d'un coup vous entendez dit, il n'y a rien qui a pété, c'est la caméra qui s'est recachée. Fait que ça, je trouve ça le fun. Puis le fait d'avoir le logo de la compagnie comme poignée aussi, ça a comme plusieurs utilités, puis ça fait que le look en arrière, c'est épuré, tu sais, il n'y a pas. C'est beaucoup, beaucoup mieux fait que Buick dans les années 90. Ouais. Ben là, on recule les années 90, puis on Oui, mais il y parle. avait déjà l'idée de cacher, de servir du logo en arrière pour tout faire. Ouais. C'est juste Ah que oui. c'était Mais oui. discutable. Oui, les peintures avec des springs, ça couinait, c'était plein de verres de gris. Ça marchait jamais. Mais l'idée était déjà là. Ah, c'est ça. Mais Volkswagen l'a bien mis en œuvre, mettons. L'appliquer comme il faut. C'est ça. Par là-dessus, ben, le coffre est pas hyper grand, mais il est assez. Il y a assez de place dedans là, pour. Je crois qu'il est plus grand que l'ancienne. Ouais, il y a un petit peu plus de place, mais tu sais, mais Ouais. c'est pas une familiale, c'est pas Non, un station wagon. non, pour aller enterrer des cadavres, il est mieux. Bon, on revient avec l'enterrage de cadavres. Faudrait peut-être lâcher ça. Mais c'est ça, c'est quand même assez grand pour une utilisation de tous les jours, là. Fait que si vous avez une petite famille, la Golf, c'est parfait. Ça a une bonne grandeur. L'espace en arrière est aussi grand aussi. Puis on va en parler quand je parle de l'intérieur. Bon, l'intérieur, c'est très allemand, donc c'est pas flamboyant. Dans la GTI, on a des petites lignes rouges qui vont éclairer à l'intérieur. Ça donne juste un petit look, ça fait juste vraiment joli. Mais pour le reste, là, c'est sobre, c'est du chromé, c'est du noir lustré, c'est pas. C'est carotté. Ben, ça dépend. Ben toi, tu l'avais en cuir? J'ai eu les deux versions. OK. Ma version DSG avait les sièges en cuir avec des coutures rouges. C'est beau, mais comme je disais, c'est pas flamboyant. C'est pas, ça sort pas du lot. Non. Quand vous allez ouvrir la porte, c'est pas une Honda Civic, mettons. Quand vous allez ouvrir la porte, ça vous Non, frappe pas c'est de sombre, c'est rouge d'en discret. face. Mais C'est la ça. qualité, là, par exemple, c'est pas, ça a pas l'air d'une soucoupe volante comme un Honda Civic, comme tu dis, là. Non, la qualité est vraiment là. La finition est sans reproche, C'est là. plus classique, disons. Ouais, c'est très bien fini. Toutes les panneaux, il n'y a pas d'espace superflu, il n'y a pas de choses qui n'ont pas l'air À... Pour ceux qui ont conduit des anciennes générations de Volkswagen il y a quelques années, c'est très différent, là. Oh oui, c'est très bien. L'ancienne GTI était très bien aussi. La finition est belle Oui, depuis sur la probablement deux GTI, était très générations. bien. Oui. Ouais. Sur d'autres choses, peut-être un peu moins. Sur d'autres choses, ben sur d'autres choses, ça prend beaucoup de mieux, par exemple, là. Faut l'avouer, Oh oui. même sur. Ils ont fait le ménage, là. Les beaux jours de l'assemblage à la mexicaine ont changé. C'est qu'il y a plus trop de tequila. Donc c'est ça. Il y a deux types de sièges que vous pouvez avoir dans la GTI là. C'est sûr, il y a la Golf régulière, siège en tissu ou siège en cuir, là. Mais on va se concentrer sur la GTI. La GTI, il y a deux types de sièges. Il y a les sièges en cuir avec couture rouge, mais il y a les sièges carottés Oui. qui sont la marque de commerce de la GTI. Donc Ça clashait moins dans une bagnole des années 70, mais c'est là, sûr, ça se fait. Mais c'est c'est toujours bien. très beau et personnellement, avoir à m'acheter une GTI, je n'irai pas avec les sièges en cuir, je garderai les sièges carottés juste pour être dans Le cachet. le J'ai cachet comme peur, là. de J'ai la vraiment eu GTI. peur. Ah, mais regarde, écoute, personnellement, j'ai une auto avec toutes les contreportes, puis normalement, toutes les insertions en carrotté stationnées dans mon stationnement, puis je peux te dire que c'est très beau. C'est ça. Ça donne un look Pas de vraiment GTI, par exemple? différent. Non, c'est Ouais. vraiment quelque chose de antique. Ouais, c'est beaucoup plus gros qu'une GTI. C'est ça, je me disais. Donc c'est ça. Fait c'est t'sais, sinon, si vous prenez les sièges de base, mais vous avez du noir ou du beige. Mais dans GTI, c'est cuir noir ou siège Ah, carotté. c'est Moi, cuir noir avec une surpiqûre rouge, c'est pas c'est juste noir. non, c'est ça, c'est une surpiqûre. Ben ça, c'est sur la GTI. C'est très joli, là. Même les sièges en cuir sont C'est très beaux, sont le très confortables. même genre de couture que sur le volant, en fait. C'est ça. C'est le volant qui est en D aussi, le bas du volant est plat, donc c'est un volant sport. Si vous avez la DSG, vous avez les palettes de changement de vitesse au volant, qui est bien, là, mais la DSG fait tellement un bon travail que c'est comme, vous allez les avoir, mais vous allez Ça pas, me fait penser vous en aux servirez pas vraiment. anciens, quand les anciennes transmissions automatiques ils commençaient à avoir des modes manuels, puis qui faisaient comme un. Il y avait une porte dans le côté, là, quand on mettait à drive, on pouvait le mettre à côté, faire plus puis moins. Ouais. On s'en sert à peu près autant. Bon, c'est ça. Ça c'est plus ou moins utile. Si vous voulez vraiment conduire manuel, achetez-vous la version manuelle parce que c'est comme. Sinon, la DSG est tellement bonne que je peux pas voir pourquoi qu'on déciderait de changer de vitesse nous-mêmes. Surtout qu'il y a des modes différents qu'on peut programmer, Ben, sport j'ai vu de normal plus ou. en plus, ils commencent à avoir des options manuelles plus chères que les automatiques dans les autos. C'est un gadget Ouais. Oui. c'est en train de devenir un gadget, là. Ouais, mais c'est ça, la transmission manuelle est en train de devenir une option à la place de la transmission automatique. Puis il y a des compagnies, je me rappelle pas sur quelle j'ai vu ça, quelle voiture j'ai vu ça, mais tu peux choisir une ou l'autre, puis t'as pas de frais de plus pour la manuelle ou l'automatique. C'est le même prix que tu prennes un ou l'autre, mais je me rappelle pas quel constructeur qui faisait ça. Mais j'avais trouvé ça intéressant. Bon, le volant est ajustable, hauteur télescopique, boutons pas pu finir, là, mais sont bien placés pour contrôler à peu près tout ce que vous avez besoin, système audio, téléphonique, des choses comme ça. On peut changer aussi. Il y a les deux cadrans qui sont analogiques de chaque côté, RPM puis la vitesse de la voiture. Puis au centre, il y a un petit cadran numérique, puis là, on peut changer toutes sortes d'informations. Il y a même un contour. Si vous êtes sur la piste, vous pouvez appuyer sur le bouton pour savoir quelle vitesse autour vous avez faite, des choses comme ça. Fait que ce Chronomètre. petit gadget, ouais, petit chronomètre pour les tours de piste. Bon, il y a un système audio avec écran tactile et tout ça. C'est pas le meilleur système de divertissement sur le marché, là. C'est pas le plus beau GPS. C'est pas la meilleure. Ben moi j'avais le radio Mais il fam. est efficace puis fonctionnel, par C'est exemple, là. Pour quelqu'un qui est plus ou moins habitué avec des engins comme ça, là, il est très facile à prendre en main, je trouve. Ça. Il est facile à prendre en main. Il est pas hyper complet, mais oui. Ça fait le Et travail, là. ma mère va se retrouver dans celui d'un Volkswagen. Ouais, c'est ça. C'est Il pas. y en a d'autres que je peux pas en dire autant. Là. Ma mère va revenir, puis elle n'aura toujours pas changé le poste du radio. Elle va écouter du heavy metal en rentrant dans le cours. Ouais, Là. ça pourrait y faire découvrir un nouveau style de musique. Non, mais je veux dire, pas Ouais, je comprends. nécessairement, tu sais, elle va arriver avec qu'est-ce qu'il jouait dedans, là, tu sais, Oh, puis ouais. elle, elle part avec, puis elle peut même pas monter le volume, là. Elle le changera pas. Non, c'est ça. Tu sais, c'est, tandis qu'un Volkswagen, un enfant de 6 ans, ben non, un enfant de 6 ans est bien plus avancé que tous nous autres là-dessus, mais reste que, on va y aller à l'autre extrême, tout le monde est capable. À peu près. Et ça, c'est facile à utiliser. C'est juste pas le plus beau sur le marché, là. Mais ça fonctionne. Et ça fait qu'on a. On peut tout faire. Ben, ça, si vous le prenez, là, la navigation, c'est en option, là, mais vous avez radio satellite, Bluetooth et tout ça. C'est très bien, ça fonctionne quand même bien. Moi, c'est ça, j'avais le système audio Fender sur une des deux. Le son est très bon pour le système audio Fender, là, avec les haut-parleurs et tout ça, là, de la musique, La boîte de son dans la valise mange la place qui était un peu utile, Oui, mais c'est ça. C'est un peu le seul problème, là, mais pour le reste, c'est quand même très bien. Dégagement pour la tête, puis les bras en avant ont été c'est un peu mieux que l'ancienne génération, vu qu'on a élargi, rallongé, on a un peu plus de place à l'intérieur. Les places arrière, là, c'est pas vous ferez pas un voyage Montréal-Vancouver avec des adultes assis en arrière, là. Ils vont peut-être cette année rendus en Ontario, mais t'sais, si vous faites Montréal-Québec avec des adultes ou si vous avez des jeunes enfants, ados, qui mesurent pas 8 pieds, ouais, c'est vous allez être correct. Parce qu'aujourd'hui, les ados, on le mieux que dans sait. une Beetle. Oh oui, c'est assez grand, mais oui, c'est plus de place que dans une Beetle. Puis à l'arrière, les bancs peuvent être rabattus 60-40 pour donner plus d'espace dans le coffre. Puis ce qui est le fun chez Volkswagen, c'est qu'on a un passe-ski entre les deux sièges, donc on peut juste enlever la partie, descendre la partie du centre qui est normalement un accoudoir ou avec des portes-gobelets, puis on peut descendre cette partie-là, puis passer des skis ou quelque chose, des planches de bois, quelque chose qui ressemble à des skis, là. Pensez à des Descendre skis. l'accoudoir et échapper de toutes ces choses directement dans la valise. Ou encore ça. C'est ça. Mais c'est quand même bien si on a des longs objets, puis on veut quand même apporter des passagers, là. C'est toujours C'est intéressant. très pratique. Ouais. Bon, côté moteur, qu'est-ce qu'il y a dans la Golf? Ben, si on va avec la GTI, c'est un 4 cylindres de 2 litres turbo compressé qui produit 210 chevaux et 258 livres-pieds de couple. Puis comme je disais, il y a un petit son assez intéressant. Il y a aussi, sinon, il y a deux autres modèles. Si vous voulez pas nécessairement une GTI, tout le monde, c'est sûr, tout le monde capote sa GTI, c'est la voiture. C'est le porte-étendard. C'est ça. J'écoute un podcast américain qui est le podcast d'Autoblog, puis un gars là-dessus, pour lui, tu demandes une question, quelle charge je devrais m'acheter demain matin, puis la première réponse qui sort de sa bouche, c'est GTI, GTI, GTI, GTI, GTI. Il est stické sur la GTI. Puis tu peux pas vraiment y en vouloir parce que je veux dire, c'est la voiture qui englobe à peu près tout. C'est qu'elle va être le fun à conduire, fait que vous allez avoir du plaisir à conduire, ça répond comme une voiture sport, c'est spacieux comme une voiture plus familiale. T'sais, puis c'est beau, c'est pratique, il y a une valise. C'est ça. T'es Fait que capable de faire ta commande, mettre un siège de bébé, puis aller te payer une ride la fin de semaine. c'est ça. Puis si tu veux aller faire de la piste avec, t'es capable d'aller faire de la piste avec. Bon, Sans te couvrir de ridicule. dans le meilleur des mondes, vous n'avez pas vos sacs d'épicerie, votre siège de bébé avec un bébé dedans, vous allez sur la piste, là. Ça vous marche pas les trois en même temps, là, Non, mais là, c'est mais ça peut se pas. faire tout séparément. T'sais. C'est Mais si la sûr que bébé GTI. est vraiment content, puis les œufs sont cassés, fait que ça marche moins bien. Ouais, c'est ça. Mais non, mais encore là, la légalité de la chose me ferait penser, C'est discutable. trouvez-vous une gardienne avant de faire ça. Après ça, ben c'est ça. Sinon, si vous voulez plus bas que la GTI, mais là, vous avez les modèles réguliers. Le modèle de base vient quand même avec un moteur 4 cylindres 1,8 litres TSI, donc turbo compressé, qui produit quand même 170 chevaux puis 185 livres-pieds de couple. C'est quand même pas étapier, là. Sinon, vous avez un 4 cylindres turbo diesel de 2 litres qui lui produit 150 chevaux puis 236 livres-pieds de couple. Fait que Très vraiment. amusant et extrêmement économique. Oui, assez économique. Ben, économique, c'est parce Ben, qu'au prix du c'est diesel relatif. aujourd'hui, non. C'est Mais encore drôle. si vous faites beaucoup de routes, ou C'est vous ça. faites des longues distances, le diesel va être rentable. Un hybride en ville, un diesel, ça roule. C'est ça. Si vous passez votre temps en ville, le diesel va être pas vraiment le choix. Non, non. Mais bon. C'est comme pour un pick-up diesel. Si c'est pas pour faire de la route, puis c'est pour tourner en rond, puis aller faire c'est comme ça en fin de semaine, c'est pas pour ça. Non, c'est ça. Ça vaut pas la peine. Vous le rentabiliserez pas. Donc, c'est ça. Puis, côté motorisation, ben, transmission manuelle à 6 vitesses ou transmission automatique DSG à 6 vitesses, qui a des palettes de changement de vitesse au volant. Franchement, si vous prenez une version régulière ou une version diesel, puis votre but c'est de faire beaucoup d'autoroutes, allez avec la DSG. Si vous voulez une GTI, puis vous voulez avoir plus de contrôle sur vos changements de vitesse, puis entendre plus le moteur, puis tout ça, vous pouvez toujours aller avec la manuelle à 6 rapports, mais la DSG va faire amplement le travail pour vous satisfaire dans à peu près n'importe quelle situation. Moi, j'ai essayé la GTI avec une DSG sur une piste, puis bon, je m'ennuyais pas du tout de la transmission manuelle. Fait que je vous dirais, allez-y avec ça. La GTI, bon, on avait parlé quand on avait fait la critique, ben, quand on avait parlé de la Beetle, comme quoi on l'avait tous les deux pas mal pitché dans des courbes et tout ça, puis on s'était aperçu que Elle répondait très bien. ouais, c'était vraiment difficile d'y faire perdre la traque. C'est pareil pour la GTI, là, c'est sûr. Sur la route de tous les jours, j'ai été assez gentil avec, mais quand Volkswagen nous l'a prêté, ces pistes, je l'ai brassé un peu. Puis jamais, jamais, jamais, tu as l'impression que tu vas perdre le contrôle de cette voiture-là. C'est vraiment stable. Ça va vraiment très bien. Donc, on la sent pas tordre, on la sent pas, c'est solide. Ouais, c'est solide, c'est bien ancré. Sur la route, les accélérations sont vraiment bonnes, que ce soit avec une transmission manuelle ou automatique. Puis le freinage, il n'y a aucun problème là-dessus aussi. Ça freine très bien, c'est sûr. Là, on parle sur pavé sec. Là. Si on est sur de la glace vive, peu importe ce que vous allez avoir comme voiture, ça freinera pas super bien. À part si vous avez des pneus à clous. Non, fait que ça prend une courbe vraiment comme une championne. Puis faudrait vraiment la pousser à l'extrême pour en perdre le contrôle. Suspension, c'est pas nécessairement aussi doux que vous pourriez penser. Je veux dire, c'est quand même une voiture sportive, donc la suspension est un peu sec, mais pas au point d'être inconfortable. On va quand même sentir bien la route, mais c'est ça qu'on veut d'une voiture comme ça. On n'achète pas une GTI en pensant que c'est une suspension de Cadillac des années 90 où on ne sentira rien, donc on peut pogner un Buick Dodan. Park Avenue Ah, 96. t'sais, si tu penses prendre un Dodan à 80 km/h puis pas t'en Non. apercevoir, c'est pas ça. Non. Mais on veut sentir la route avec une voiture comme ça. On veut savoir ce que la voiture fait. Fait que c'est vraiment très C'est bien. très allemand comme comportement. Ouais, c'est ça. C'est sportif et pratique. Ferme et confort. Ouais, puis je dirais même, je le disais dans mon article, je pense que quand j'ai eu la GTI la dernière fois, je pense si la radio a été allumée 15 minutes quand j'avais l'auto, c'est pas mal ça. J'avais pas mal fait le tour du système audio la fois d'avant. Fait que quand j'ai tombé avec elle, je pense que je l'ai laissé éteint, puis ça a été à peu près ça, là. Fait que non, c'est quand même optionnel. Donc, pourquoi vous payez un système de son Fender plus cher quand vous pouvez avoir juste écouter le moteur? Ça pourrait faire la job. Parce que pris dans le trafic, ça doit venir vraiment plate. Ouais, c'est ça, peut-être, Ouais. des fois, tu sais. Rincer tout seul dans le trafic. Ah, c'est ça. Non, c'est bon d'avoir la radio, mais tu sais, des fois, on peut le laisser à off. Consommation d'essence. Pour la GTI, Volkswagen annonce 9,5 litres au 100 km en ville, 7,2 litres au 100 km sur route avec la DSG. Puis avec la manuelle, on parle de 9,4 litres au 100 en ville, puis 6,9 litres au 100 sur route. Puis moi, si je regarde ma moyenne, j'ai eu 6,7 avec la GTI la première fois que je l'ai conduit. C'était en été avec la DSG. Si je me rappelle rappelle, en hiver, parce que j'ai pas pris les chiffres, si je me rappelle bien, là, mais en hiver, là, quand je l'ai eu, là, quelques semaines, j'ai eu bien de la ville. J'ai été, je pense, pris dans une tempête de neige une fois. Je pense que j'ai fini comme à 8,5 ou 9, là, quelque chose comme ça, mais j'ai pas été super doux avec, parce Okay. que. Avec la traction manuelle, je voulais y faire chanter sa chanson, puis avec le trafic, avec le froid, puis tout le kit, là, je pense que j'étais comme aux alentours de 8, 8,5. C'était quand même pas catastrophique, je trouvais, C'est pour le. sûr que si tu roulais en troisième sur l'autoroute juste pour l'entendre rouler, Ouais, c'est ça. C'est des pièces qui sortent. t'es pas aidé. Non, non, non, non, non, j'ai pas été quand même à ce point-là. Mais non, mais je l'ai poussé quand même un peu Non, je plus. J'ai comprends qu'est-ce que tu veux dire. accéléré un peu plus vite. Puis l'hiver, ben, tu sais, tu la pars le matin pour la dégeler, puis Laisse pour... virer 10 minutes de cours, puis Non, ouais. quand même pas, là. Toi, normalement, 2, 3 minutes, ça fait la job, là. Mais c'est ça. Fait que ça... Dites-vous que, bon, en majorité, vous allez peut-être être à 7, 7,5 litres de moyenne, là, si vous la conduisez... poliment, comme. Je vais prendre un terme de Martin. Poliment. Donc, c'est ça. La GTI, regardez, ça reste une de mes voitures favorites. Si demain matin, quelqu'un me dirait, tu as une voiture que tu peux t'acheter présentement, puis ça va être la voiture que tu endures le prochain 10 ans de ta vie. Puis je voulais pas aller électrique, ça serait probablement, la GTI serait probablement une des tops dans ma liste là. Ça peut tout faire, c'est pratique, c'est amusant, c'est quand même assez spacieux, puis c'est pas trop gourmand en essence si on est poli avec. Bien balancé. Ouais, c'est très très bien balancé, puis En anglais, on pourrait dire un good all-around car. c'est ça. Puis c'est ça. Puis si la, tu sais, je veux dire, même si la GTI est un petit peu au-dessus de vos moyens, mais vous cherchez quelque chose dans ce créneau-là, allez Ouais, voir parce qu'ils sont la. pas donnés, hein. Non, non, ben la GTI est un petit peu plus cher, là. Je m'en vais justement voir les prix pendant que je gagne du temps. Mais si vous regardez, pareil, les Golf de base sont quand même super le fun. Je veux dire, vous allez avoir un peu moins de puissance, mais vous allez avoir tout autant de plaisir à conduire. 1,8 est très nerveux de toute façon. Oh oui, le 1,8 est super, là. C'est un vrai bon petit moteur. Puis lui Ok. aussi, il a quand même un son intéressant. Puis Oui, il est assez réceptif, là. à moins de s'y connaître ou de vraiment avoir envie de savoir qu'on va s'en servir, là, parce que s'acheter une GTI, pour s'acheter une GTI, c'est si c'est pour aller au dépanneur puis tourner autour de chez vous, ça sert pas à grand-chose. Non, Non, c'est ça. Mais une GTI, le Golf ordinaire va faire la job. c'est un statement aussi. C'est Ouais. comme, tu sais, ça a du cachet, ça a une réputation. Oh, Donc, ça a plus de panache qu'une Golf ordinaire, c'est pas ça que c'est je veux ça. dire, mais tu sais, on s'entend, là, quelqu'un. C'est un peu comme les gens qui s'achètent un gros pick-up pour aller travailler, là. C'est ça. Tu Ouais, sais, c'est ça. Ouais. si c'est pas pour aller. Si on connaît rien d'un char, puis que c'est juste pour aller travailler puis revenir, là, une Golf ordinaire va faire la job au prix qu'ils vendent une GTI, là. C'est ça, faire le travail en masse. Si on regarde, j'ai gagné assez de temps, les prix. Une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que la Golf est disponible en 3 ou 5 portes. Donc, 2 portes hatchback ou 4 portes hatchback. Si on parle d'une Golf 3 portes, version régulière, ça commence à 27 995, donc on peut dire 28 000. La version Autobahn de la Golf 3 portes est à 31 000, puis la 5 portes, on parle de 32 895. Fait que Avant presque, taxe. presque 33 000 avant taxes, puis pas avec toutes les options, là. À ce prix-là, vous avez les sièges carottés. Si vous voulez les sièges en cuir, probablement rajouter un 1500. Si vous voulez rajouter transmission automatique, on parle d'un autre 1500, probablement. Un autre 1500, le toit panoramique. Ouais, fait que Il y a bien des j'imagine. 1500 qu'on peut rajouter, là. Oh, ouais, j'imagine la Golf que j'avais entre les mains, là, la petite grise avec tout l'équipement possible et imaginable, Le là. prix d'une BMW, là. C'est 40 000. Ça doit approcher 40 000. 36, 37 peut-être, là. Ben, c'est le prix de Mini Cooper, dans le fond. Ouais. Mais je prendrais ça avant le Mini Cooper. Ouais, moi aussi. Fiable de toute C'est façon. vrai. Ouais, la fiabilité s'est beaucoup améliorée chez Volkswagen aussi. Il y en a qui ont peut-être Oh. peur des problèmes électriques, des choses comme ça, là. C'est pas mal du C'est passé. plus ce que c'était, là. C'est plus le même monde. Non. Fait que, si ça vous intéresse, allez voir ça. Si vous êtes sur le marché pour une petite voiture pratique, amusante, là, puis je vous dis pas d'aller vous payer une GTI à 27 000 $, là, mais t'sais, vous pouvez y aller de base la Golf, je pense qu'elle commence en bas de 20 000, 18 000 995. Pas grand chose à ce prix-là, c'est vraiment je pense c'est la plus de base, là. Je me Ouais. rappelle plus. En tout cas. Mais ouais, c'est ça, c'est là, c'est. C'est un stripper, là, comme on appelait, là. Ouais, il y a pas grand chose dedans, mais vous allez quand même avoir une voiture qui va bien tenir la route, qui va être quand même intéressante, qui va vous donner quand même une bonne performance, puis vous vous ramassez quand même avec le petit moteur, tu sais, le petit moteur 1,8 litres turbo Oh, compressé, là. il y a bien des choses pour faire oublier des vitesses manuelles dans la vie. Oh, non, c'est un bon choix, c'est une bonne petite voiture. Allez faire un tour, puis souvent, ce qui est plate ou le fun pour Volkswagen, c'est que quand tu mets le pied dans ce constructeur-là, il y a des gens qui n'en sortent plus après. Ma sœur est à sa quatrième Jetta. Mon voisin d'en face en a trois de stationnés dans sa cour. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu comme Volkswagen, c'est un peu comme Subaru. C'est comme une secte. C'est ça. C'est un coup que t'as comme un coup que tu tombes dans la marque, souvent tu restes dans la marque, tu deviens fidèle à la marque. Donc c'est ça. GTI, j'ai bien aimé. Ah non, j'haïs ça. Non, c'est pas vrai. Donc c'est ça. Allez faire un tour chez votre concessionnaire Volkswagen. J'attends Ah. mon chèque. Elon Musk. Il a dit plusieurs choses. On va juste commencer parce qu'on sait rien du tout dessus. Il a tweeté cette semaine que. Puis là, il y a du monde qui ont dit qu'il a dit ça parce qu'il veut que les actions de Tesla prennent de la valeur. Parce que il avait connu une petite chute dernièrement. Puis le monde a dit qu'il a dit ça pour refaire monter les actions en bourse. Puis ben qu'il l'ait fait pour ça ou pas pour ça a marché pareil. Parce que les actions se sont mis à remonter. Mais il a été tweeté que. Il allait annoncer cette semaine, si je me trompe pas, c'est jeudi, donc ça va être le 19 mars, que il allait mettre un terme à l'espèce d'anxiété Ouais, de le range l'autonomie, anxiety. le range anxiety. Devoir. Parce Donc, qu'un électrique, c'est ça, quand ça manque, c'est pas comme une auto-essence qu'on part avec notre canisse rouge, puis on revient 10 minutes après, là, c'est plus compliqué. il n'y a pas de canisse rouge pour mettre de l'électricité dedans Non. Non, encore. puis une batterie, c'est un petit peu pesant. Une petite affaire. Puis même si tu peux mettre de l'électricité dans une canisse rouge, tu n'en auras sûrement même pas assez pour te rendre à la dite Non. station où tu as été Ben, c'est ramassé. ça. Là, le problème, c'est que quand on en manque, on est brûlé. C'est ça. Donc, la question que tout le monde se pose, c'est de casser Elon. Est-ce qu'il va annoncer plus de Supercharger, qui est le système de recharge que Tesla installe un peu partout? Il y en a à Montréal au magasin Tesla, sont en train d'en installer un peu partout à travers le Québec puis le Canada. Puis parce que le but de Tesla, c'est qu'on puisse faire Québec-Vancouver gratuitement avec une Tesla Model S quand on peut se connecter au Supercharger. Donc, ça utilise en partie l'énergie solaire, plus l'électricité aussi du coin. Donc, c'est un système qui fonctionne très bien. Là, Sylvain Juteau de Roulé électrique a une Tesla. Il a fait plusieurs voyages en chargeant dans les Superchargers, dont un au Salon de l'Auto de Détroit cette année, où il est parti de Montréal. Il est descendu là-bas, puis ça a coûté zéro plus une barre. Zéro avec une barre, là, vraiment 0 $ d'essence ou d'énergie. Ça a tout été sur le bras de Tesla. Ça fonctionne très bien, mais pour moi, même quand j'ai fait ma panoplie d'essais de voitures électriques, c'est pas parce que je sais qu'il y a une borne à 10 minutes d'où ce que je suis, puis que j'ai au moins assez d'électricité pour me rendre là, que j'ai pas l'espèce d'anxiété d'autonomie, parce que je sais que si j'arrête là, j'en ai pour 4 heures ou 2 heures ou 1 heure ou. Pire encore, si Ouais. jamais la borne est cassée, tu peux pas te charger. Ou la borne est utilisée par quelqu'un d'autre. Ouais. Ou il y a un moron avec une voiture à essence qui s'est stationnée devant. On voit ça aussi de Ouais, temps en temps. oui, Puis c'est là, vrai. c'est ça, tu sais. Je veux pas être méchant, là, mais On n'a pas d'affaire à stationner avec une voiture essence dans un de ces stationnements-là. Il y a des stationnements ailleurs. Mais Oh. des fois, ils sont proches des portes, C'est comme donc. pour le reste, c'est ça, c'est comme les stationnements d'handicapés, ça, c'est pas ça qui va les empêcher, Non, c'est ça. Mais donc, il y a tout plein de facteurs qui peuvent faire que tu peux pas charger ta voiture. ça rend nerveux, Ouais. surtout si c'est la seule, on peut pas revenir sur la charge qu'on a. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Tu peux pas toujours charger ta voiture parce que la borne peut être occupée, brisée ou autre. Puis, si tu réussis à charger, ben, si tu as un chargeur rapide, qu'il y a des bornes de plus en plus au Québec de chargeurs rapides, ben là, on peut charger en 30 minutes, 80%. Bon, souvent, on est capable de se rendre à la maison. Mais si on a une voiture conventionnelle, pas de chargeur rapide comme une Focus ou une Spark électrique, pas de chargeur rapide, ben là, on est là pendant 4 heures ou plus pour charger la batterie entièrement ou on se donne un petit boost d'une heure, 2 heures, dépendant comment loin qu'on a à faire. Mais bon, ça reste toujours stressant. Tesla aussi a travaillé sur un système, puis ils l'ont montré, il n'y a pas si longtemps que ça, de remplacement de batterie. Donc, tu arrives à une station, puis ça, c'est pas encore fonctionnel. Ils l'ont montré, par exemple, il avait comparé quelqu'un qui mettait de l'essence dans sa Audi, puis une Tesla qui se faisait changer le pack de batterie complet, puis ça prenait à peu près 30 secondes à changer un pack de batterie de Tesla, puis ça prend un peu plus que ça, faire un plein d'essence. Donc, ils montraient comme quoi que c'était rapide. Mais ça, il va y avoir des coûts. C'est sûr, si vous installez un pack de batterie neuf, ça vous coûtera pas zéro. Il va y avoir un coût à ça. Tandis que recharger, ça coûte rien. Mais Alors là, ça change rien sur l'anxiété de c'est ça. ça. L'anxiété, pour moi, c'est le fait de pas pouvoir te rendre où tu veux te rendre, C'est quand le tu fait veux te d'être rendre pris là. avec une brique sur le bord du chemin. C'est ça. Donc, s'il annonce n'importe quoi entre ces deux choses-là, c'est pas ce qui va régler l'anxiété de l'autonomie. Mais on sait que Tesla est capable d'envoyer des mises à jour aux voitures à travers les connexions satellites, puis modifier la voiture. Là, il y en a peut-être qui ont aucune idée de qu'est-ce qui peut se passer, là, mais pour vous donner un exemple, les premiers propriétaires de Tesla Model S, quand ils ont acheté la voiture, il n'y avait pas de système de reconnaissance vocale pour donner des commandes à l'auto, pas des commandes à l'auto genre oui, j'aimerais un Big Mac et un chausson avec ça, là, mais commandes à l'auto genre appelle Martin sur son cellulaire. Il n'y avait pas de reconnaissance vocale dans la voiture. Une nuit, Tesla a décidé d'envoyer la mise à jour de reconnaissance vocale à toutes les Tesla et le lendemain matin, le propriétaire embarquait dans sa voiture et, oh magie, ta voiture avait la reconnaissance vocale. Tesla est supposé envoyer une mise à jour aussi bientôt puis je pense que ça va se faire justement jeudi ou cette semaine, Ouais. aux nouvelles P85D, donc les voitures, les Tesla à traction intégrale. Pour améliorer le 0-100 km/h qui, je pense qu'il se fait à quoi en Déjà 3,2? phénoménal. Il se fait comme en 3,2 présentement. C'est pas une petite auto, là. Non, non, non, non, c'est une grosse voiture. Allez voir ça sur YouTube, ceux que Oh. ça les intéresse, là. Tapez Tesla Model S versus Ferrari 458 Oh. Italia, là. Oh, ça, Charger L4, ils ont tout passé. Puis le gars lève le pied à un moment donné parce qu'il. Il voit bien que la Ferrari n'a aucune chance de se rendre, là. Fait que c'est vraiment drôle, là. Mais c'est ça, fait que par une mise à jour de logiciel, il est capable de donner, je pense, c'est 1 seconde plus vite au 0-100 km/h à Tesla Model S, là. C'est Tout ce qui juste, manquait. ouais, c'est ça, c'est tout ce que ça prenait. Donc, ça va-tu être une autre mise à jour qui va changer quelque chose dans la manière que la batterie font? J'ai aucune idée. Mais il peut quand même pas donner 800 km d'autonomie avec une batterie qui en donne 400 présentement, Satellites là. vont charger les autos. Ouais, Pas nécessaire de faire la différence. c'est ça, les satellites vont charger les autos. Mais, tu sais, fait qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il va annoncer. L'affaire la plus cool que ça pourrait être, c'est, ben, les batteries qu'on a mises dans vos voitures présentement, ils ont déjà 800 km d'autonomie. On vous l'avait juste pas dit. On t'a fait Joyeux barrer Noël dans le en, t'sais, système. joyeux Noël en retard, C'est Je sais un pas. beau cadeau. Je sais Il pas. avait fait un ajustement, je pense, sur la D, justement, là, pour l'ajustement de la puissance de ses moteurs pour donner plus d'autonomie encore qu'il avait eu comme une bonne journée en se levant, là, même principe. Ouais, mais c'est le fun d'avoir une compagnie comme Tesla qui est quand même un petit constructeur. C'est pas GM, Ce n'est pas une grosse compagnie. Justement, c'est plus facile de se revirer quand on est une petite compagnie que quand on est une espèce de gros paquebot, se retourner, c'est plus long. Ouais, mais il n'y a pas les moyens financiers non plus de ces compagnies-là. Non, comme Puis. c'est là, c'est tout du software. Un coup que l'auto est là, c'est des mises à jour, c'est comme faites des mises à jour sous Windows, C'est ça, mais j'ai vraiment hâte de voir. là. Ça J'aime promet. beaucoup ce que Tesla fait. J'aime beaucoup Elon Musk comme personne. C'est un gars intéressant. C'est un gars qui a l'air quand même sympathique. Puis c'est un gars qui. Il a des idées, là. J'ai hâte de voir où ça s'en va, son Puis il y a les affaire. moyens de les concrétiser. Il a les moyens de les concrétiser aussi. Donc c'est ça. On attend voir ce qu'il va annoncer, puis on en reparlera dans les prochaines semaines, là. Probablement que notre ami Simon-Pierre va être ici, pas la semaine prochaine, mais dans l'autre semaine pour nous parler de voitures électriques. On retouchera peut-être au sujet avec lui quand il sera là dans 2 semaines. Bon. À part de ça, je vais te la laisser, Jean-François, c'est toi qui a apporté le sujet C'est sur. toi, t'aimes mieux la mettre un autre fois, parce que ça me Non, non, non, semble. on va finir avec ça, là. OK. Elon qui a déclaré quelque chose aussi aujourd'hui même, si je me rappelle, Aujourd'hui, c'est oui. aujourd'hui. Puis Oui. ça l'a un petit peu envoyé des vagues sur Internet. Je l'ai lu plusieurs fois, juste pour être sûr que j'avais bien lu, hein. Pour lui, il dit que conduire une voiture dans le futur va être illégal. La façon que je m'explique, c'est que le fait de conduire une auto ne sera plus légal dans le futur à cause des voitures autonomes qui vont beaucoup s'améliorer dans le futur avec les logiciels et les capteurs dans les voitures. Si je prends ses propres paroles, il a dit, ben, je vois pas pourquoi, si les autos sont autonomes, on laisserait les gens se promener avec des engins mortels de 2 tonnes, Exactement. là. Ça fait OK. un peu de sens. Mais même moi, là, qui est de mauvaise foi au possible avec un sujet comme ça, je le reconnais, là. Je suis pas fou. Alors, c'est un type de déclaration juste pour enflammer les internets, là. Puis, il a dit ça lors d'une présentation avec un de ses fournisseurs de puces électroniques, Nvidia. Lui, ce qu'il dit, c'est que dans le futur, les logiciels, les capteurs dans les voitures, eux ils vont être tellement sécuritaires qu'ils vont être plus sécuritaires qu'une personne qui conduit un véhicule. Pas vraiment difficile. Ouais, c'est faut se le dire, là, la pire insécurité présentement derrière un volant, c'est Ah. la personne qui conduit, Exactement. que tu sois un Sûr que excellent s'il y a d'autres conducteur choses ou un derrière le mauvais, volant, là. on a un problème. Ah, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, sur un véhicule, c'est vrai que la chose la plus dangereuse, ça reste le conducteur. Puis comme je disais il n'y a pas longtemps, même aujourd'hui, un véhicule, c'est un gros ordinateur avec des roues, là. Quand on appuie sur l'accélérateur, c'est l'accélérateur qui envoie le message à l'ordinateur que le conducteur aimerait bien aller plus vite. C'est à peu près ça, là. Les voitures C'est récentes, exactement ce qui se c'est passe. ça, là, tu sais. Mais puis là, je veux pas non plus dire que tu sais, tout le monde est un mauvais conducteur, mais il y a plein de facteurs qui fait que la personne Ouais, en il y a des arrière du gens qui volant est sont dangereuse. professionnels. Ouais, c'est ça. Des mauvais conducteurs professionnels. Non, mais Professionnel. tu sais, je veux dire, tu peux avoir un malaise, tu peux avoir n'importe quoi, là, un moment d'inattention, puis L'erreur est humaine. c'est fait que c'est ça. Puis il y a des gens qui sont Exact. plus humains que les autres, Yes. mais c'est ça, tu sais, ça reste que la faiblesse d'une voiture et son conducteur, normalement. Puis avec les nouveaux systèmes d'aide à la conduite, puis tu sais, on voit comment ça peut aider. Ouais, Mais là, une voiture totalement autonome, ben là, c'est un autre paire de manches, là. ça va devenir comme un électroménager. Ça sera pas l'auto comme on la connaît. Si une auto se conduit toute seule, puis que sa seule job, c'est de taper des mains, puis de dire, bon, ben on s'en va à telle place, ça va devenir aussi intéressant à regarder qu'un frigidaire, d'après moi. C'est vrai. Ouais, C'est mais vrai. d'un autre côté, pris dans le trafic le matin à 7 heures, Oh, tu vas compter les métags, c'est pas important. De ça me toute dérange façon, pas il y tellement. aura peut-être même plus de fenêtres rendues là. Peut-être. Tu sais. Plus de quoi, plus de fenêtres? Sur un véhicule autonome, c'est d'aucun intérêt d'avoir des fenêtres. Tu peux mettre des écrans tout le tour, puis tu mets soit les Ah, c'est vrai. caméras, soit la télé, soit ce que tu voudras. C'est Ouais, ouais, aucunement ouais. important. Ouais. C'est vrai. Tu peux la faire encore plus sécuritaire d'un coup que l'ordinateur de l'eau coulera dedans puis qu'il rentrerait dans un poteau de téléphone à 150. Ouais. Mais Mais ça serait. Ça, y a, tu le on pourrait. verras pas arriver, c'est plus rassurant. Ouais, peut-être. Mais ça, on pourrait faire une émission complète sur les voitures autonomes, puis ce que ça apporte aussi Mais comme changement aux lois puis à toute la patente, là. avant de me C'est rendre plus complexe, ça. loin dans cette partie-là, justement, sa déclaration, quand je l'ai lu, parce que que toi tu dis, Jean-François, tu en as parlé, tu l'as lu pas mal une couple de fois pendant la journée, quand t'en as parlé tantôt, je venais de la lire, là, ça faisait 5 minutes, puis la lumière avait allumé dans ma tête que, justement, comme je vous ai dit tantôt, il y a une vieille toune de Rush, je pense que ça date de 1981, c'était Red Barchetta, où il parle justement d'une voiture abandonnée dans une grange d'avant que ça soit illégal de conduire, puis que la fin de semaine, il la sorte pour aller se promener entre les autos qui se conduisent tout seul, puis écraser ça dans le fond avec un vrai moteur avant d'aller la recacher pour commettre des crimes en conduisant. Ça match étrangement avec la déclaration. Pour Wow. ceux que ça intéresse, c'est la toune de Rush, Red Barchetta. Juste de lire les paroles, tout le monde va comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Oui, Mais exactement. bon, la voiture autonome, c'est pas est-ce que ça va arriver un jour, c'est plutôt Non. quand, là. Quand, c'est ça. C'est ça. Parce pour avoir essayé certains modèles avec tout plein de systèmes d'aide à la conduite comme le nouveau Jeep Cherokee ou Subaru ont ça aussi avec leur système EyeSight et tout ça. On est à un pouce écart, là, Oh, de ben, ça. les technologies sont là. C'est ça. C'est pas, c'est juste une question de temps là, de faire de l'essai-erreur pour arriver à un système pour qu'on se casse la gueule. Puis... Je C'est m'en ça. souviens quand j'avais commencé à en parler avec la voiture Google, ça avait l'air d'un hélicoptère ou d'un tank. Mais là, c'est rendu une moto. Les premiers X-Prize, là, c'était spectaculaire. Là. Ils étaient même pas à traverser un champ sans virer à l'envers. Puis ça fait pas 10 ans de ça, là. Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Elon qui pense que dans un avenir rapproché, on n'aura plus le droit de conduire ou Pour la bon. majorité des gens, d'après moi, parce que les gens, comme on parlait tantôt, les gens qui font in and out, aller travailler puis aller faire leur commission, une auto autonome est parfaitement capable de faire Oui, c'est ça. sûr. Non, et Les les personnes âgées. c'est ça. Pour les plus Oui, sinon, spécialisés, c'est c'est ça. sûr qu'un policier, probablement, que lui, il va avoir le droit de conduire parce que l'auto autonome, t'as beau dire, je veux y aller bien, bien vite, là. Mais peut-être que des fois, il faut faire des choses sur le coup, faut avoir une réaction, tu sais. Comment est-ce que tu veux Mais, que je veux non, dire? oh ouais. Pas nécessairement dans le fait de la sécurité routière, là, mais dans Mais là, j'ai d'autres une question. situations, ça peut être nécessaire. Ouais. Avec tous les systèmes qui sont tous bien organisés, est-ce que les policiers vont être encore utiles sur la route? Si tous Ben, il les systèmes faut. informatiques sont capables de rendre la route sécuritaire, Oui, mais pas nécessairement d'un point de vue de sécurité routière, mais il faut qu'il puisse prendre le contrôle de son véhicule pour faire quelque chose que le système ne prend pas nécessairement en charge. S'il y a une manifestation en avant, l'ordinateur réagira pas comme une personne humaine pour barrer le chemin puis les envoyer de l'autre côté, comme ils ont fait en fin de semaine passée, où ils ont tous viré dans un tunnel puis qu'ils ont fermé deux bouts du tunnel, dit, ah, vous êtes pognés. L'auto autonome fera jamais ça. c'est une manière d'y aller. Tout comme je regardais des travaux d'excavation, des choses comme ça, de la machinerie, ça se conduira pas tout seul demain matin. Quand pourtant, dans un champ, la machinerie agricole se conduit elle au GPS depuis des années. Mais ça, c'est vrai ça. Mais dans un champ, t'as normalement pas N'y a pas de plus d'obstacle pas de quand il y en a un. piétons, C'est puis ça. c'est ça. T'as pas Oui. d'autres moissonneuses, C'est batteuses. ça. Non, il y a juste le tracteur et c'est tout, il n'y a pas C'est ça. d'autre. D'après moi, à part des applications très spécialisées, ça va s'en aller là, là. Parce que durant cette conférence-là, ils ont parlé du programme Drive APX qui est fait par Nvidia pour la Tesla. Puis comment que le programme il fonctionne, c'est que présentement, le programme n'affichera plus seulement les informations, mais il va les interpréter aussi là, pour le conducteur. Ouais. C'est là que je me dis, là, à un moment Il va le donné, pré-mâcher. pardon? Il va le pré-mâcher. Ouais, c'est ça, il va dire, oh, il y a un piéton là-bas, il y a une lumière là-bas, puis ça. Et... Ah, ça, c'est assez. C'est comme conduire avec sa mère quand on a 16 ans. Ouais, c'est ça. Non, mais Ça va être ça. Je note. Je note, ouais, c'est ça. Mais c'est J'ai rien contre le fait que l'auto soit se conduise tout seul jusqu'à un certain point, mais moi j'aimerais avoir le choix quand je Aussi. veux conduire de pouvoir conduire. D'après moi, ça, on va l'avoir pour un temps, jusqu'au jour où le système va être bien rodé et qu'on l'aura plus. Ah, c'est ça. J'espère qu'on va être bon rendu là. Mais là. Moi, un beau jour, là, mes véhicules antiques, je sais qu'un beau jour, je vais me faire répondre par la SAC. Ah ben, non, à partir de cette année, tu peux plus plaquer ça. C'est ça, c'est Ouais. des chars de collection et c'est tout. Ouais, je vais le mettre dans une grange, puis je vais le sortir en cachette la fin de semaine. Comme Red Bird, en écoutant du Rush. Exactement. De toute façon, il y a de la bonne couleur pour faire ça. Il est déjà rouge. Bon, c'est quand même pas pire. Mais c'est ça, on parle, tu sais, 2007-2018, 2017-2018 pour voir les premiers Premier. véhicules sur la route, puis vraiment à grande échelle, là, on parle de plus Sais pas tard, là. si Parce vous que. les avez vus, mais ils ont fait des tests avec des véhicules autonomes mixés dans du trafic ordinaire de vraies personnes et ralentissent la circulation. Ah ouais. Ben, c'est parce que ils ont de la misère à prendre en compte. C'est pas un système parfait comme si c'était tous des véhicules autonomes. Hein. Ils communiquent pas fort fort avec le gars qui pousse de trop proche puis qu'il faut les breaks à pieds joints. Ouais. C'est un peu ça le problème. Ouais. Bon, avec la mission, on va terminer ça là-dessus parce qu'on a un Pas petit de peu méchante idée. dépassé. Ouais. Mais bon, c'est un podcast. C'est pas comme si on était diffusé à radio encore. Et puis non, parce Ouais. qu'on était diffusé à Podium 36. Radio. Et puis Podium Radio a levé les pattes malheureusement. Donc on n'est plus diffusé nulle part à part sur iTunes et dans vos oreilles, dans votre auto, sur votre iPad ou peu importe. Donc c'est ça. Messieurs, si les gens veulent vous rejoindre, comment font-ils cela? Martin. Oui, ah ben sur la plupart des réseaux sociaux, Martin Sagala. Puis c'est pas mal ça qui est ça. C'est pas mal ça qui est ça. Ou sur la route à quelque part dans un gros Ah ben truck. oui, ceux qui me Ouais. connaissent m'enverront la main, les autres connaissent pas. Puis toi, Jean-François. Sur Twitter, JFLIAU. Parfait. Moi, c'est vrai, j'ai un concours à plugger avant qu'on parte. L'ami Simon-Pierre Rioux fait tirer des Apple Watch sur son site. Bon, c'est une question de like sur Facebook et tout ça. Donc, allez voir l'avec.ca, donc AVE. AVEQ.ca, puis regardez le concours dans l'onglet concours. Faut aller faire un petit like sur la page Facebook, puis créez-vous un compte, c'est gratuit, sur le site de l'AVEC, un compte d'usager gratuit. Là, donc vous devenez membre gratuit du site, puis ça vous donne le droit de gagner une Apple Watch et en font tirer entre une et quatre, là, dépendant du nombre de likes et tout ça Moi, sur le tu site. dois. Là. Donc allez faire un tour si ça vous intéresse. Tu t'as dit quoi, Jean-François? On a-tu le droit, nous autres, de Oui, t'as participer? le droit, t'as le droit. J'ai participé, moi. Une Apple Watch, je dirais pas non à ça. Je m'en achèterai Non jamais plus. une, mais si je l'ai gratis, moi, à prendre. Donc, c'est ça. Concours plugué. J'ai fait un petit crochet devant mon petit tableau. Donc, moi, si vous voulez me rejoindre sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a le compte du podcast Auto qui est à Podcast Auto. Vous pouvez aussi me lire sur le blog de Kijiji à fr.kijijiblog.ca dans la section véhicules. À chaque semaine, j'écris sur le monde de l'automobile, des fois des essais, des fois des articles autres sur différents sujets. Cette semaine, ça va être un article sur le salon de Genève. Il y a eu quelques petites annonces, moins gros que dans les années précédentes, mais quand même quelques petites annonces intéressantes. Puis pour ceux qui ont un compte Twitter, je vous dirais, suivez-moi parce que tous les vendredis pour les 5 prochaines semaines, je vais faire tirer une carte Subway de 25 $. Je fais partie d'un genre de programme qui défie santé pour Subway, qui est l'équipe de Carl. Donc Carl Savard, qui est le porte-parole de Subway, il nous envoie des choses à faire à chaque semaine pour se remettre en forme et rester en santé. Donc j'ai fait tirer une carte la semaine passée, mais il n'y avait pas d'émission, j'ai pas pu vous en parler. Je vais en faire tirer une pour les 5 prochaines semaines. Donc le vendredi vers midi à peu près, je mets ma question en ligne. Si vous répondez, ben je vous mets dans le chapeau. Et puis après ça, je tire un chiffre au hasard grâce au merveilleux site random.org. Et puis j'annonce le gagnant. Donc il en reste encore 5 à faire tirer. Fait que si ça vous intéresse, Ascalazormo sur Twitter, puis regardez ça vendredi aux alentours de midi à peu près. Je pose la question, puis vers 3 heures, je fais le tirage. Donc voilà. Donc, merci à tout le monde de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye. Bye.